crois que c'est pas pour s'amuser, du coup, les... Ah non. Ça prend, hein. C'est prenant, hein. Surtout parce que la deuxième, c'est très prenant.